disons, un point de détail en tant qu'anthropologue, je ne peux que confirmer le fait que cette précarité a existé depuis très très longtemps, mais je voudrais revenir sur quelque chose qui n'a pas été dit au moment donc de l'attribution du prix à Dan Sperber, que je connaissais bien à l'époque où je suis arrivée ici. Disons, on a donné ce prix d'anthropologie à quelqu'un qui n'est pas ou n'est plus un anthropologue. Donc ça me paraît quand même la chose la plus importante. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné, c'était son droit, mais il a abandonné ça pour rentrer dans le cognitif, dans le neurobiologisme, qui est justement une des caractéristiques, une des chouchous justement de la politique actuelle. Ça me paraît important. Tout à fait, oui, il y aurait des choses à dire sur la constitution du jury du prix Claude Lévi-Strauss et la vision des sciences humaines et sociales qu'il reflète. Par ailleurs, Dan Sperber a soutenu Obscur Précaire dans son discours de remerciement après réception du prix. Mais il y a, enfin, ça pose effectivement des questions dont Christian Topalov aurait pu parler plus longuement s'il avait été là. Emmanuel Brassat, l'UFM de Versailles. Je voulais vous répondre sur une question. Vous vous étonnez qu'il y ait constitution d'une sorte de bureaucratie comme ça, de management et de gestionnaire, qu'on va payer largement pour contrôler les politiques. Mais justement, pour contrôler le milieu des savants qui sont indépendants de ces gestionnaires, il faut contrebalancer les rapports de force. C'est-à-dire, il faut créer une bureaucratie comme ça qui va avoir le pouvoir sur eux de décision et qu'ils ne contrôleront plus et sur lequel eux-mêmes n'auront plus de pouvoir, et qu'ils soient suffisamment rémunérés, n'ayant d'autre intérêt qu'à mener ces politiques. Il faut les rémunérer pour qu'ils les mènent, et en étant totalement désolidarisés des milieux scientifiques et des milieux de la recherche. Bon, c'est un processus assez classique de prise de pouvoir, de prise de possession dans des organisations sociales. Enfin, je veux dire que et il faut qu'ils soient rémunérés, et très bien rémunérés pour faire ce boulot-là, et qui n'ait aucun scrupule. De toute façon, eux, n'ayant pas de compétences particulières en matière de recherche, ils seront d'autant plus attentifs de favoriser leurs propres intérêts en menant à bout le plus résolument possible ces politiques, qu'ils n'ont d'autres raisons d'être ce qu'ils sont et de tenir leurs avantages sociaux et leurs privilèges que du fait qu'ils en sont les directeurs et qu'on leur demande de mettre au pas la recherche scientifique sous le biais de ces politiques. Bon, ça me semble un processus très très classique de dépossession des personnes. Oui, juste un point. La création de la technocratie est évidemment indéniable, mais ça va de pair quand même avec une participation active de bon nombre, alors d'entre nous, non, enfin de collègues, on va dire. Et je repensais, dans le rapport d'étape du CDHSS qui est sorti en janvier, c'est extrêmement intéressant parce qu'on retrouve tout ce que vous avez dit depuis la création de l'Alliance jusqu'à la division par tâche du travail des enseignants-chercheurs, et on voit bien vers où ça va pour ce qui est de la rémunération, et d'autres aspects sur l'excellence, etc. Et la composition de ce CDHSS, eh bien, ce sont des collègues. Et donc, il y a quand même un point important, là, c'est que la bureaucratie toute seule ne fonctionne pas. Tout à fait la même chose, ça. Si, ça fonctionne très bien, parce que si tu lis bien le rapport, tu verras que le rapport a une conclusion. On veut émarger au grand emprunt. Et donc, ils font les élèves sages tout au long du rapport. Ils disent, ça c'est bien, c'est bien. Il n'y a qu'un truc qui est dégueulasse. Alors, l'ANR, c'est bien, l'ARS, c'est bien, dada. Il n'y a qu'un truc qui est dégueulasse, c'est le CNRS. Tombe bien par rapport à ce que voulait Pécresse. Et donc, quelque part, je suis peut-être méchant, ce rapport, lisez, commencez-le comme un roman policier, quoi, par la fin, quoi. On le construit, en tout cas, comme ça. Bon, et vous verrez qu'une fois que vous avez compris ça, eh bien, on est dans un système où on achète tout le monde. Voilà. Et du reste, Mme Morel vient d'obtenir un poste important... eh bien oui, mais ils sont sympas pour les copains. Les copains. Bon. J'ai oublié de donner un chiffre, puisque c'est ni les banquiers, ni les traders, ni ceci. Le salaire il y a Le Point à publier Salaire des écoles de commerce, 3 ans après la sortie de l'école. 3 ans après la sortie de l'école, quelqu'un, en moyenne, le salaire annuel HEC, c'est 70 000 euros par an. Alors, vous calculez le nombre de PES qu'il vous faudra pour atteindre ce niveau-là, parce que, somme toute, ils imaginent que la thèse est au-dessus de HEC. Donc, c'est quand même, disait, l'école la plus minable, je ne sais pas, trifouiller les oies, je ne veux pas la citer, être méchant, mais attendez, par rapport à un maître de conf, à 15 ans d'ancienneté, c'est très nettement supérieur. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas faire de complexe là-dessus. C'est-à-dire, je crois que quelque part, les salaires qu'on donne à une profession est lié à l'importance qu'accorde le pouvoir à l'activité sociale correspondante. Il me semble qu'il y a un élément sur lequel on n'a pas eu le temps de parler, surtout quand on a essayé de se tenir au sujet et au temps imparti, c'est les enjeux internationaux. Si vous avez lu la presse de ces derniers jours, il y a un enjeu pourrait paraître culturel, c'est le fait d'attirer en France des étudiants étrangers. Valérie Pécresse n'est pas la première à dire qu'il faut doubler le nombre d'étudiants étrangers. On est à 250 000, il faut aller à 500 000 étudiants étrangers. Le modèle qu'ils ont en tête, c'est quel modèle? Ce n'est pas un modèle de développement des connaissances, et on va dire de coopération, de bonne entente à l'échelle de l'humanité. C'est un bête modèle économique. C'est l'idéal de l'Australie. L'Australie, où je crois que le troisième poste de ressources, c'est l'accueil d'étudiants étrangers. Et tout ce que ça fait tourner comme hôtellerie, transfert, marchandises. C'est exactement la même chose. On est dans une logique où, comme on produit de moins en moins, eh bien, on fait circuler. Alors, on fait circuler les capitaux. Ça, c'est immédiatement très, très rentable. Mais on fait aussi circuler de manière, on va dire, non nécessaire. Quand on voit le nombre d'étudiants chinois, et on leur demande même plus d'être francophones, qui vont venir étudier en France des technologies pour lesquelles ils ont davantage de compétences dans leur établissement, mais parce que ça fabrique localement de la nomenclatura en Chine et ça permet localement d'activer des circuits eh bien, d'intermédiaires divers et variés en matière de logement, de transport, d'émergement, d'hébergement, etc., etc. C'est une vraie problématique sur laquelle je pense qu'on ne s'est pas assez penché. Et je pense qu'il faut faire la part des choses, parce que c'est évidemment des sujets sur lesquels il faut de la prudence, de la nuance, parce que voyager, circuler, il n'y a pas d'obstacle, a priori, à mettre aux échanges internationaux, mais il faut voir dans quelle logique ils sont organisés actuellement. Et je pense que on n'est pas du tout assez vigilant. Je voudrais signaler que quand les universités françaises ont en tête d'accueillir des étudiants étrangers, c'est aussi pour décloisonner leur droit d'inscription. L'objectif est affiché, c'est passer pour les étudiants non francophones, non français ou non UE, on trouvera bien un régime ou une nomenclature, des frais d'inscription contrôlés actuellement, qu'on a réussi à conserver malgré la loi LRU bloquée et malgré l'opération Dauphine, à 12 000 euros par an. C'est le chiffre qui est avancé. Il faut imaginer que 12 000 euros par an, c'est plus de 20 fois le tarif maximal pour des masters pro dans le cadre public des établissements français. Donc on voit bien la manne qu'espèrent ainsi récupérer les universités. Et dans l'histoire, les questions de formation, de recherche, de compréhension mutuelle, elles sont complètement secondaires. Et les primes seront abondé par les droits d'inscription dans 5 ans. Sûr. C'est ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, on a encore un quart d'heure. Moi, j'ai une phrase à lire. Oui, puisque je ne voudrais quand même pas... Que c'est... On a dit beaucoup de mal de cette pauvre Pécresse. J'ai une citation d'elle à vous lire. Elle date de 2003. Vous voyez, c'est... Et on voit qu'elle a une pensée profonde, cette femme. Je cite... Le progrès 11-03-03. On a redécouvert les valeurs de la droite. Le couple, liberté, responsabilité. L'autorité, le respect de l'autre et de la loi, le travail. C'est sur les thématiques du travail et du respect de la loi que la gauche a perdu les élections. Les gens en ont assez de l'ordre moral de mai 68. Il est interdit d'interdire le politiquement correct. C'est bien de ne pas travailler. On a toujours des excuses pour cracher à la gueule de son professeur. Il y a toute une génération qui dit à la génération de mai 68 qui est usée, on veut de l'oxygène. Valérie Pécresse. Il parle de gauche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vas-y. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais bon, par rapport aux partis politiques, justement, de gauche, enfin... Il en reste apparemment. Comment vous voyez la manière qu'ils se saisissent ou ne se saisissent pas de cette longue histoire déjà qui est la crise de la recherche, disons visible, hein, puisqu'on peut la faire démarrer plus tôt, mais 2003-2010, ça fait 7 ans de malheur et de etc. Ce que vous voulez, et comment vous voyez la mise en politique de ça aujourd'hui et où on en est. Bon, là, il y a les régionales, il y a eu quand même des interactions. Voilà, comment vous pouvez réagir là-dessus? Et bon, évidemment, ça a forcément un impact sur les questions de budget et de révision de tout ce qu'on a abordé. Eh bien, dis-je. Je vais bien commencer. Hein. Je serais quand même assez sévère. Parce que j'ai l'impression que, à part un débauchage facile, qu'un certain nombre se laisse prendre parce qu'ils y trouvent intérêt... le fond reste une grosse boîte obscure, une grosse boîte noire. Alors, en particulier sur l'ensemble des enjeux, la question de la désindustrialisation, la question du service public, la question des libertés scientifiques, la question aussi de la collégialité, alors, de la collégialité au sein du monde académique, hein, pour faire court, comme la question de la démocratie pour résonance entre le monde académique et les aspirations et les besoins, avec tous les guillemets qu'on peut mettre dans une déclaration abrupte comme ça, de la société, et le fait qu'on n'interpelle pas du tout la question des échelles. J'entends par là que dans la bataille récente, qui n'est pas achevée des élections régionales, la question de la pertinence de choix scientifiques ou pédagogiques locaux, alors que par ailleurs on nous parle d'enjeux de formation, et on sait bien, quand on produit une activité scientifique, elle n'est pas jugée à l'aune ou au périmètre d'une région administrative en France. Donc ça ne s'arrête pas là. C'est international, c'est à minima, on a une communauté nationale ou européenne, ça dépend un peu des disciplines, il y a au moins une communauté nationale. Or là, faire en sorte que des pressions et des décisions et des financements largement locaux soient pris en matière, pas seulement d'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et là, il y a de quoi faire. Pensons par exemple aux questions de logement. Le logement universitaire, absolument une compétence des territoires. Les transports autour et entre les pôles universitaires, enfin, ou les sites universitaires, absolument une question de territoire. La question de la culture, du sport pour les étudiants, pour les personnels, absolument une question de territoire. Mais la question des thématiques à enseigner ou des thématiques de recherche, absolument pas une question de territoire. Or, ça, ce débat-là, il n'a pas pu être mené parce qu'il y a un certain nombre... de forces politiques à gauche qui disent, bah oui, moi j'ai la Loire qui traverse ma région, donc la Loire c'est la Renaissance, c'est les châteaux c'est la Renaissance, La Renaissance, c'est vendeur. Donc, il faut donner de l'argent au centre d'études supérieures sur la Renaissance. Vous connaissez le CSR, petite page de publicité locale. Merci. Ils sont très bien. Mais on leur donne de l'argent à ce titre-là. Alors, les collègues, c'est en sciences humaines, ils sont contents parce que par ailleurs, ils n'en ont pas. Mais c'est dérisoire comme argumentaire. C'est absolument dérisoire. C'est la même chose quand on dit, ben, là, il y a des entreprises qui font des parfums, donc il faut donner de l'argent à un pôle parfum cosmétique. Ou d'autres. On voit bien les modes que ça a été sur la question des cancéropoles. C'est une aberration. Hein. Donc la course à l'échalote pour dire plus. Moi, je veux avoir tel équipement. Il y a eu cette opération-là sur Soleil. Hein. Donc quelle est la région qui va mettre le plus? Donc on fait concurrence entre les territoires pour se substituer à l'État qui est défaillant. C'est une aberration. Alors qu'il y a à interpeller dans un débat national en s'appuyant sur les personnels, leur représentants, je dirais, académiques, leurs organisations syndicales, eh bien, malheureusement, il faut le dire brutalement, autant le Parti socialiste est très prêt à débaucher des dirigeants de Sauvons la recherche, il n'est pas facilement prêt à discuter avec la première organisation syndicale de l'enseignement supérieur. Je le dis d'expérience. Ce que je dis est certifiable. C'est tout. Bon, moi, je n'ai pas cette vue pessimiste et je crois que là n'est pas l'enjeu. Là n'est pas l'enjeu parce qu'effectivement, on est dans une situation où les régions ont été accablées par rapport, disons, par l'État, qui n'a pas rempli son rôle. Personnellement, je ne souscris pas à toute une série de choses qui ont été faites, et en particulier le fait qu'un certain nombre de régions ont créé des post-docs, par exemple. Je crois que ça se corrigera. Mais l'enjeu aujourd'hui, il n'est pas là. L'enjeu aujourd'hui, il est de savoir... Il y a quand même 2012 maintenant, tout le monde en parle. Sur quel programme on va y aller en 2012? Et avant d'accabler les partis politiques, il serait bien que les syndicats et les associations disent un peu et se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est pas simple. Autant je pense qu'il n'y aura pas tellement de problèmes sur la demande d'autocroissance, sur les structures, les choses comme ça. Mais vous prenez la recherche industrielle, qu'est-ce qu'on va faire pour que le privé investisse plus dans sa propre recherche? C'est la catastrophe française, on ne parle jamais, et c'est la plus grande catastrophe française. Par rapport, je vous donne simplement 1% du PIB est investi par le privé dans sa propre recherche. Le Japon, c'est 2,5. L'Allemagne, c'est 1,7. Les États-Unis, c'est 1,7. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va, au lieu de 4 milliards de cadeaux, on va leur enfiler 8? Sûrement pas. Quelles sont les mesures? Et ça, c'est une vraie discussion à avoir. C'est pas que nous soyons contre des rapports université-recherche, des rapports équilibrés où chacun trouve son intérêt, où chacun y met des hommes et des moyens. Il faut qu'on élabore nous-mêmes, avant de rencontrer les partis politiques, une alternative. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur? Et je dois dire qu'on a un sacré boulot à faire, parce que quand vous prenez les problèmes un à un, vous, entre nous, y compris dans une même organisation, il va y avoir de sacrés empaillages. Mais si on ne fait pas nous-mêmes ce boulot et ces propositions, si on n'associe pas le maximum de gens à ce travail, alors il ne faudra pas se plaindre que les partis politiques disent n'importe quoi sur le sujet. Donc je crois qu'on est dans une phase... où il va falloir maintenant lancer un travail avec la participation de tous, des organisations, des non-organisations, tout ce que vous voulez, pour élaborer un programme alternatif sur l'enseignement supérieur et la recherche. Je crois que ça, c'est l'ordre du jour maintenant, parce que si on ne s'y prend pas maintenant, après on va être pris de court par le temps, les partis vont faire leur propre programme, on va s'engueuler, etc. Alors, prenons l'initiative, et c'est ce qu'on a de mieux à faire. Bon, sur les partis politiques, c'était quand même assez frappant de voir à quel point, tout de même, au moment des mobilisations, notamment universitaires, on les a vus à peu près nulle part s'informer, se tenir au courant et se prononcer sur le mouvement lui-même. Donc, effectivement, il y a eu des propositions qui ont été faites à ce moment-là, mais qui n'avaient aucun relais au niveau des partis politiques. Et ici, on a eu la proposition de Cohn-Bendit qui est venue discuter et on l'a fait très volontiers. Aucun autre parti politique, mais pas seulement ici, d'une façon générale, ne s'est manifesté. Donc ça, c'est quand même aussi la position timorée des partis politiques dans ce qui a été un mouvement assez fort avec des propositions qui n'étaient pas négligeables et qui n'ont jamais été relevées. Laisse un petit peu sceptique sur leur capacité à reprendre un certain nombre de propositions. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir. C'est, je voulais demander, en fait, où est-ce qu'en est, d'une certaine façon, le mouvement d'obscurs précaires? Est-ce que les précaires continuent à s'organiser ou à se rejoindre d'une façon ou d'une autre ou pas? Et d'autre part, qu'est-ce que vous pensez, finalement, de la proposition de Henri-Édouard Rodier le fait de donner des mots d'ordre en fonction de chacune des situations pour les précaires, ou bien est-ce que vous pensez, je ne sais pas si vous en avez discuté entre vous, est-ce que vous pensez qu'il faut un mouvement plus global de ce point de vue-là? Je pense qu'il y a plusieurs choses là. Sur le premier point, en fait, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, c'est que à la fin de l'année dernière, les projets dans les cartons du comité de soutien d'obscurs précaires, il y en avait deux. Il y en avait un qui était une action qui se serait appelée Obscurs asticote les mandarins, et elle serait allée interviewer des statutaires plus ou moins grosses pointures en essayant de constituer un espace de débat et de contre-proposition aux réformes en cours. Et l'autre était une candidature d'obscurs précaires aux élections régionales contre Valérie Pécresse, mais qui aurait mobilisé autour de la question de la précarité de manière globale et pas seulement dans l'enseignement supérieur et la recherche. La réalité concrète à la rentrée, c'est que après une période un peu attentiste pour voir où en était le mouvement en général, chacun est retourné à sa survie quotidienne en attendant des jours meilleurs. Et je pense, enfin, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en appelant à la responsabilité des statutaires, c'est-à-dire que on a vu aussi l'an dernier les coûts de la mobilisation au niveau personnel et le fait que c'est vraiment épuisant et intenable sur la longue durée. C'est-à-dire qu'on a peut-être la force de frappe, entre guillemets, de gripper la machine si on s'y mettait tous le même jour, mais c'est impossible, quoi. Donc c'est, à mon sens, au titulaire de refuser de faire travailler les gens dans des conditions pareilles ou de boucher leur trou de l'année, je sais pas quoi, de licence L2 dont ils sont responsables en recrutant un vacataire sur 2 heures par-ci et que telle autre personne trouve un vacataire sur 2 heures par-là, et alors que s'ils mutualisent, enfin quand on demande, quand on voit passer, comment ça se passe, quand on voit passer une annonce de charge de cours par exemple et qu'on envoie son CV, la personne qui recrute vous rappelle dans la demi-heure en disant mais c'est formidable, c'est tout à fait le profil, c'est parfait, vous commencez mercredi. On dit bon d'accord, mais alors vous payez comment? Bah c'est des vacations. Ah ben j'ai plus de 28 ans, j'ai pas l'employeur à mi-temps, nana. Ah ben et vous pourriez pas me trouver d'autres heures complémentaires? Quand les gens cherchent, ils les trouvent, ils trouvent l'équivalent d'un demi-temps d'ATER dans la semaine, quoi. S'ils mutualisent, s'ils demandent aux collègues s'il y aurait pas de quoi. Après, ce qu'ils trouvent jamais, c'est les sous pour payer le financement d'ATER. Mais ça, nous, on peut pas faire ce travail-là. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener, enfin que chacun doit balayer devant sa porte dans ses pratiques quotidiennes en réfléchissant aux effets pervers induits par les services qu'il a l'impression de rendre et qui n'en sont pas forcément, et puis que c'est aux statutaires de se mobiliser pour mobiliser les structures qui font que effectivement la précarité est devenue un moyen de gestion des ressources humaines comme ça, mais qu'il est invivable de l'autre côté. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Vous m'avez... C'était quoi votre dernière question? Enfin, Ben après, c'est très compliqué parce qu'il y a des conventions collectives. Finalement, on pourrait être aligné sur tel ou tel ou tel statut déjà existant. Enfin, il y aurait moyen, sans doute, souvent, de régulariser les situations. Mais enfin, je pense qu'il y a les deux. Il y a un travail de fond à mener sur le fait que la précarité est un moyen de gestion des ressources humaines, parce que les besoins sont aussi devenus mobiles et souples, et que donc il faut réinventer un statut de gestion de la souplesse des fonctions qui allie une relative sécurité des gens qui remplissent ces fonctions, et puis un travail de fond au cas par cas. Enfin, ouais, je pense que c'est une question très compliquée, tellement éclatée maintenant que les syndicats doivent aussi travailler là-dessus. Bon. Je crois qu'il m'appartient parce qu'en fait, il y a un enseignement à 19h, hein, normalement. Non. Une fois sur deux. De toute façon, il est l'heure et je pense que... Un mot. Hein. Oui. Juste sur la question, que font les organisations syndicales, ou est-ce que le... En quelque sorte, les forces politiques de gauche, par exemple, auraient à écrire sur une page vierge. Ben, je ne le pense pas. Comme ça a été dit tout à l'heure, le mouvement exceptionnel de l'année dernière, et puis il est nourri par une tradition d'ancrage syndical. Hein. Il y a un vrai ancrage syndical. Le SNESUP, il faut quand même voir, c'est... on a fait 500 adhésions, un peu plus l'année dernière, donc on est... maintenant à plus de 10% du corps des enseignants-chercheurs, même si on s'indique au-delà des enseignants-chercheurs, des enseignants non-chercheurs. Donc il y a un véritable ancrage dans le milieu et on a des tas de propositions. Et on en a évoqué un certain nombre ici, ben, sur la question de mettre fin au dualisme entre les filières dites classe préparatoire, école, dites sélectives et les filières universitaires, la question de... la collégialité et de la démocratie, c'est des enjeux extrêmement importants. La question de la démocratisation de toutes les instances autour de la recherche et des universités, c'est quelque chose de très fort. Si on veut, et on doit le faire, réduire le rôle de l'ANR, de l'AERS, etc. Donc on a des propositions. Oui. Je pense qu'il y a eu... Enfin, moi, je suis effectivement pour aller vers la suppression... de ces, à la fois de l'ANR et de l'AERS, mais je suis pour apprécier un certain nombre de travaux qui ont eu lieu à l'occasion de l'émergence imposée par le pouvoir de ces instances. Alors, non pas pour reprendre leur rôle, mais parce que, moi je le vois en siégeant au Knesset, j'en resterai juste sur ce point-là, pendant très longtemps, seules les organisations syndicales, en particulier le SNESUP, on s'est opposé à la reconnaissance par l'État de multiplication d'institutions, enfin d'établissements, d'entreprises, d'enseignement supérieur privé. Et elles fleurissent actuellement, avec des frais d'inscription qui sont déjà largement à 12 000 euros par an pour des formations bidons, longues, mais qui n'ont aucun contenu scientifique, qui s'appuient sur aucune compétence de personnel d'enseignement. Bon. Jusqu'à présent, il y avait les organisations syndicales, en particulier le SNESUP, qui dénonçaient, le ministère qui disait, mais oui, il y a du monde, il y a de l'insertion, effectivement, ça fonctionne par des réseaux, ce type d'établissement, et donc il faut reconnaître. Alors, dans un premier temps, il faut reconnaître, reconnaissance par l'État, ensuite reconnaissance des titres par l'État. Mais maintenant, c'est quelque chose de nouveau, dans lequel on s'appuie, eh bien, ce qu'ils ont fabriqué, que nous dénonçons par ailleurs, l'AERES, dit comme nous, dénonce des établissements qui s'appuient sur rien, qui ont une comptabilité obscure, qui ont des frais d'inscription scandaleux, qui trouvent aucun docteur parmi la cinquantaine d'intervenants permanents ou pas permanents. On va dire que ça clarifie un tout petit peu les choses. Donc, c'est sur ce plan-là, je veux dire qu'il faut prendre appui sur un certain nombre... de données qui ont été provoquées, y compris par les mauvais coups du pouvoir actuel. Mais l'objectif, c'est bien un grand courant d'air de démocratie et de collégialité pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et de financement, puisqu'on fait parler argent, cela va sans le dire, je pense que tout le monde l'avait compris. Bon, ben écoutez, dans 15 jours, la séance est consacrée à l'évaluation. Et je salue d'ailleurs notre collègue Marc Brungras qui nous parlera de son expérience anglaise puisqu'il a fait l'amitié de venir. Alors je vous signale que dimanche il n'y a plus d'élections, d'ici les élections présidentielles, hein, je ne me trompe pas. Hein, alors donc les réformes vont reprendre plein pot. Hein, et donc il faut être plein d'espoir sur l'inventivité de Mme Pécresse et de quelques autres. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas dit du tout hein, là aujourd'hui parce qu'on a eu un peu de pudeur. Mais je pense qu'il faut quand même le dire, c'est qu'un maître de conférence, une maîtresse de conférence qui gagne à 44 ans 2350 € par mois, eh bien, c'est une vie difficile. Hein, c'est une vie difficile dans sa matérialité quotidienne, surtout si on a des enfants. Je sais qu'on descend des moines, hein, mais pas tous. On essaye de se reproduire pour un certain nombre. De ne pas vivre dans des endroits trop difficiles, etc. Et tout ça, c'est vraiment parler argent aussi. Voilà, il y a un petit problème. Quelqu'un qui gagne 2 300 € par mois est dans les 15% de la population qui gagne le plus. Oui. Alors, on ne peut pas dire que c'est des difficultés matérielles. Si, parce que les besoins gagnent, si tu veux, les besoins sont relatifs. Tu as raison, hein, tu as raison. Mais c'est que quand tu regardes ce salaire par rapport... Non, il faut quand même, quelque part, défendre la qualification. Hein, on défend quand même le fait d'avoir une expérience professionnelle, une qualification, une utilité sociale. À partir de là, moi, je fais l'inverse. Je regarde toutes les professions qui, à ce niveau-là, gagnent 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois plus. Hein? Donc, le problème de se battre pour la revalorisation et avoir quelque chose de décent, ça n'enlève rien aux autres. C'est au contraire en tirant par le haut qu'on arrivera à tirer des autres. C'est, si on ne revalorise pas les maîtres de conf, il y a très peu de chances qu'on revalorise les administratifs. Par contre, si on obtient une victoire sur la revalorisation, parce que c'est indécent, moi je suis absolument d'accord, c'est indécent, je le dis politiquement, hein, je ne le dis même pas socialement, c'est indécent comme situation, ça entraînera le reste. Et donc, il faut qu'on ait une bataille commune, qu'il ne soit pas une bataille touche pareil, sachant qu'il y a des cas sociaux dramatiques, elle en a cité un certain nombre, il y a des très bas salaires, il faut y remédier, mais il faut aussi se battre pour le respect de notre qualification. Commençons par oublier un indice qui est celui qui est le rapport du salaire à l'embauche sur le SMIC, parce que c'est quelque chose qui, s'il monte, ça veut dire que les inégalités montent, et donc que votre programme ne fonctionne pas. Enfin, moi, je ne trouve pas choquant... C'est intéressant le débat sur les grilles de salaire. J'ai donné les éléments sur la grille de salaire dans l'enseignement supérieur. Entre maître de conf débutant jusqu'à prof de classe exceptionnelle, c'est une échelle en gros de 1 à 3, hein, de 1 750 € à 5 000 € entre le début de carrière d'un maître de conf et la fin de carrière d'un prof de classe exceptionnelle. C'est pas choquant comme échelle de salaire. Ouais, surtout que les salaires, pour les salaires, on n'atteint pas jamais le haut. Non. Si on regarde autour, derrière le recrutement d'un maître de conférence, il y a près de 10 ans d'études, d'engagement, de travail. De précarité. Avec... Maintenant, il y a en plus la précarité. quelquefois une mobilité contrainte. Donc... Personnellement, j'ai jamais pensé qu'il fallait rémunérer au diplôme, mais c'est complètement personnel. C'est un autre débat. C'est un... On a le droit de penser ça, hein, bien sûr. C'est à la fois un autre débat, mais en même temps, il faut quand même revenir sur l'une des... En allant là-dedans, il faut voir les alliés objectifs qu'un propos que vous tenez égalitariste, on pourrait dire, peut avoir. Le propos égalitariste, il peut tout à fait interprété par le patronat comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les qualifications qui sont délivrées hors de son sein, c'est-à-dire hors de l'entreprise, par le monde universitaire, dans sa diversité. Il ne reconnaît que les compétences que lui, il attribue aux personnes. Ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il a, c'est le réseau de puissance, c'est la féodalité. C'est une marche arrière historique absolue. C'est la régression vers, justement, le Moyen-Âge. Bon, mais on va lever la séance de toute façon, puisque nous avons la chance de ne pas avoir... Et merci encore à vous.